Un peu plus loin, madame. Comment? Oui, un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Oui, reculez un peu. Pour la troisième. Madame, Monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortunée pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne... Monsieur Jourdain, oui. En voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments. Et elle sait que vous êtes un d'esprit. Ah. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur que vous me faites. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde, au moins, ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Et ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment gardez-vous-en bien? Cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Et songeons à manger. Tout est prêt, monsieur. Allons donc nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens.